Attention. Snarf trap. J'essaye les reverbs de Ninja. Rocker snap. Ça, c'est pour le snare drum. Kick. Ouais, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Discrète. Bon, je reviens. Hein. Je vais aux communautés. Exact. Attends. J'ai plus de métronome. Hey, ça sature. Hey, hey, quelque chose en toi. Quelque... Ouais, ça s'assure. Quelque chose en toi. Quelque chose. Yeah. Oh, oh, quelque chose en toi. Quelque chose en toi. Hey, ne tourne pas rond. Un je ne sais quoi qui me laisse. Entre paquets à gommer l'ignoléa. C'est chiant quand je mets des portes, ça met tout mon ordinateur. Caché dans ton ancien. Caché dans ton ancien. Ça s'est changé. Bureau des PTT. Caché dans ton ayant. Thank you. toute famille pour payer ta pierre tombale. Mange pas en prochain train. Tu poses. On reprend à zéro. Mais il n'y a pas assez de mesures là, non? Tu masques ton visage en lisant ton journal. Marche jusqu'à l'embo dans les couloirs du métro. Chaque fois que je cherchais des paroles quelque part, ça me nique mon ordi. Il y a un problème là, ça arrête pas de couper. Quand ça marche pas. Trois jours après. Merde, faut partir à un. Je sais pas si on va y arriver. On essaye ? Ah, j'y vais, hein. Tu bosses toute ta vie pour payer ta pierre tombale. Tu masques ton visage en lisant ton journal. Tu marches tel un robot dans les couloirs du métro. Les gens ne te touchent pas, il faut faire le premier pas. Ah merde, ça va pas, il en manque. Il m'en a manqué, vous. Et moi, je pars à... Je vais partir sur le 1, direct sur le... Je pars sur le 1, direct sur le champ, d'accord? Attention. Tu poses toute la vie. Non. tu pars pas en même temps, c'est, ça part pas en même temps ce truc. On part au prochain ? Moi, on va partir ensemble. Normalement, ça doit marcher, hein. Attention. Tu bosses toute ta vie pour payer ta pierre de son bal. Bon, bah, j'ai pas de guitare qui arrive. Bon, j'essaye de le faire. Ah, d'accord, vous avez changé le truc, ouais, ok. Je pars à un accord. Direct le chant. 42, 43, 44, 45. C'est long, 64 mesures. Attention, je vais y aller. Attention. Tu bosses toute ta vie pour payer ta pierre tombale. Tu masques ton visage en lisant ton journal. Tu marches tel un robot dans les couloirs du métro. Les gens ne te touchent pas, il faut faire le premier pas. Tu voudrais dialoguer sans renvoyer la balle. Impossible d'avancer sans ton gilet pare-balles. Tu voudrais donner des yeux à la justice. Impossible de violer cette femme pleine de vices. Antisocial. C'est quoi le problème? Ah d'accord. On peut aller jusqu'à combien, hein? Je sais pas qu'on peut en mettre combien. ton bal, tu masques ton visage. Les gens ne te touchent pas, il faut faire le premier pas. Tu voudrais dialoguer sans renvoyer la balle. Impossible d'avancer sans ton gilet pare-balles. Tu voudrais donner des yeux à la justice. Impossible de violer cette femme pleine de vices. Antisocial, tu perds ton sang-froid. Bon, je crois qu'on va pas la faire. Bon, on revient sur un BPI normal pour les gens, ils veulent jouer, les pauvres. Mike et Théo, ils en ont marre. Mike et Théo, attends, il y en a encore un.